Chapitre 5e, cauchemar et cataclysme. Peu de temps après, eut lieu cette hideuse aventure qui a laissé sa marque indélébile sur l'âme de Marinus Bicknell Willett et a vieilli son corps de 10 ans. Le médecin, au terme d'un long entretien avec Mr. Ward, était tombé d'accord avec lui sur un certain nombre de points que les aliénistes n'auraient pas manqué de tourner en ridicule. Il y avait, à travers le monde, un terrible mouvement en rapport direct avec une nécromancie plus ancienne que la sorcellerie de Salem. Au moins 2 hommes vivants, et peut-être un troisième auquel il n'osait penser, étaient en possession d'esprits ou de personnalités qui avaient existé en 1690 ou même beaucoup plus tôt. Ce que ces horribles créatures essayaient de faire apparaissait clairement à la lumière des divers documents recueillis. Elles pillaient les tombes de tous les siècles, y compris celles des hommes les plus illustres et les plus sages de l'univers, dans l'espoir de tirer des cendres de ces morts leur intelligence et leur savoir. Ces vampires se livraient à un trafic hideux, échangeaient des ossements comme des écoliers échangent des livres, et pensaient atteindre un jour, grâce à leur sinistre alchimie, un pouvoir que nul homme ou nul groupe d'hommes n'avait jamais détenu. Ils avaient découvert le moyen de conserver leur cerveau vivant, soit dans un même corps, soit dans des corps différents. Et ils étaient arrivés à communiquer avec les morts qu'ils se procuraient. Selon toute vraisemblance, le vieux Borellus avait dit vrai en prétendant qu'on pouvait évoquer une forme corporelle vivante à partir de certains sels essentiels. Il y avait une formule pour faire surgir cette forme et une autre pour la renvoyer dans le néant. Des erreurs pouvaient se produire car les stèles des vieilles tombes se trouvaient souvent déplacées. Mr. Ward et le docteur Willett frissonnèrent tandis qu'ils passaient de conclusion en conclusion. On pouvait tirer des présences ou des voix de sphères inconnues aussi bien que des tombeaux, et dans ce domaine-là également, il fallait user de prudence. Sans aucun doute, Joseph Kerwin s'était livré à des évocations interdites. Quant à Charles, que pouvait-on penser de lui? Quelle force cosmique, datant de l'époque de Kerwin, était parvenue jusqu'à lui et avait tourné son esprit vers les choses du passé? Il avait reçu certaines directives qu'il avait suivies. Il était allé rejoindre un inconnu à Prague et avait séjourné longtemps dans un mystérieux château de Transylvanie. En outre, il avait dû trouver la tombe de Joseph Kerwin. Ensuite, il avait évoqué une créature qui avait dû venir. On ne pouvait oublier cette voix formidable venue d'en haut, la nuit du Vendredi Saint, ni cette conversation à deux dans le laboratoire de la mansarde. La discussion entendue dans la pièce fermée à clé n'avait-elle pas eu lieu juste avant l'épidémie d'actes de vampirisme? Qui donc avait voulu se venger en violant la tombe d'Ezra Whedon? Puis il y avait eu le bungalow, l'étrange docteur Allen, les commérages, la crainte et la haine. Les deux hommes étaient incapables d'expliquer clairement la folie de Charles, mais ils avaient la certitude que l'esprit de Joseph Kerwin était revenu sur la terre pour continuer ses recherches blasphématoires. La possession démoniaque semblait une chose possible. Le docteur Allen n'y était pas étranger, et les détectives devaient découvrir d'autres renseignements sur cet homme sinistre qui menaçait la vie de Charles. En attendant, puisque l'existence d'une vaste crypte sous le bungalow paraissait à peu près certaine, il fallait tenter de la découvrir. En conséquence, les deux hommes résolurent de se rendre au bungalow le lendemain matin, munis de valises pleines d'outils nécessaires à des fouilles souterraines. Le 6 avril, à 10 heures du matin, les explorateurs pénétrèrent dans la maison maudite. D'après le désordre qui régnait dans la chambre du docteur Allen, ils comprirent que les détectives étaient passés par là et espérèrent qu'ils avaient trouvé des indices importants. Comme la cave les intéressait tout particulièrement, ils y descendirent sans plus attendre. Pendant assez longtemps, ils furent fort embarrassés, car l'aspect du sol et des parois semblait exclure l'existence d'une ouverture quelconque. Willett entreprit un examen minutieux de toutes les surfaces horizontales et verticales. En procédant par élimination, il finit par arriver à la petite plateforme devant la chaudière de la buanderie. Après avoir exercé sur elle plusieurs poussées dans tous les sens, il découvrit enfin que le dessus tournait et glissait horizontalement sur un pivot. Au-dessous se trouvait une surface de béton pourvue d'un trou d'homme. Mr. Ward se précipita aussitôt dans ses directions et ôta le couvercle sans aucune difficulté. Aussitôt, Willett le vit vaciller, se hâta de le rejoindre, le saisit dans ses bras, et reconnut la cause de son malaise dans le courant d'air méphitique provenant du trou. Le médecin transporta son compagnon évanoui à l'étage supérieur, l'étendit sur le plancher et lui aspergea le visage d'eau froide. Mr. Ward ne tarda pas à revenir à lui, mais il était visible que l'air émané de la crypte l'avait rendu sérieusement malade. Ne voulant courir aucun risque, Willett alla chercher un taxi dans Broad Street et renvoya son compagnon au logis. Puis se munit d'une lampe électrique, se couvrit le nez d'une bande de gaz stérilisée et regagna la cave pour examiner le puits. L'air était devenu moins nauséabond et Willett parvint à diriger un faisceau de lumière à l'intérieur du trou. Jusqu'à 10 pieds de profondeur, il vit une surface bétonnée munie d'une échelle de fer. Ensuite, le puits aboutissait à un vieil escalier de pierre qui, à l'origine, devait mener à l'air libre en un point situé un peu au sud du bungalow. Willett reconnaît franchement que l'espace de quelques secondes, le souvenir des vieilles légendes au sujet de Joseph Kerwin, l'empêcha de s'enfoncer dans cet abîme empesté. À la fin, le devoir l'emporta, et le docteur pénétra dans le puits en portant avec lui une grande valise pour y enfermer les papiers qu'il pourrait trouver. Lentement, comme il convenait à un homme de son âge, il descendit l'échelle jusqu'aux marches gluantes. Sa lampe électrique lui révéla que les murs antiques, ruisselants d'humidité, étaient recouverts d'une mousse plusieurs fois centenaire. Les degrés de pierre s'enfonçaient sous terre, non pas en spirale, mais en trois tournants brusques. L'escalier était si étroit que deux hommes auraient eu du mal à y passer de front. Willett avait compté 30 marches quand il entendit un faible bruit qui lui enleva toute envie de continuer à compter. C'était un de ces sons impies et abominables que rien ne saurait décrire. Parler d'un gémissement morne et sans âme, d'un hurlement d'épouvante poussé par un cœur de damné, ne suffit pas à exprimer sa hideur quintessentielle. Il promenait d'un point indéterminé et il continua à se faire entendre lorsque Willett atteignit, au bas de l'escalier, un couloir aux dimensions cyclopéennes, dont les parois étaient percées de nombreux passages voûtés. Il mesurait environ 15 pieds de haut et 10 pieds de large. On ne pouvait se faire une idée de sa longueur, car il se perdait au loin dans les ténèbres. Surmontant la crainte que lui inspirait l'odeur infecte et l'hurlement continuel, Willett se mit à explorer les passages voûtés l'un après l'autre. Chacun menait à une salle de taille moyenne qui semblait avoir servi à d'étranges usages. Le vieux médecin n'avait jamais rien eu de comparable aux instruments dont il distinguait à peine la forme sous un amas de poussière et de toiles d'araignée, datant d'un siècle et demi. Car plusieurs de ces salles devaient représenter les phases les plus anciennes des expériences de Joseph Kerwin. Par contre, la dernière dans laquelle pénétra Willett avait été occupée récemment. Elle contenait des rayonnages, des tables, des armoires, des chaises et un bureau surchargé de papiers appartenant à des époques différentes. En plusieurs endroits se trouvaient des bougies et des lampes à pétrole. Le médecin en alluma quelques-unes pour mieux y voir. Il constate alors que cette pièce était le dernier bureau de travail de Charles Ward. Comme il connaissait la plupart des livres, et comme presque tous les meubles provenaient de la maison de Prospect Street, il éprouva un sentiment de familiarité si intense qu'il en oublia la puanteur et les hurlements, pourtant beaucoup plus nets en ce lieu qu'au bas de l'escalier. Sa première tâche consistait à s'emparer de tous les documents présentant une importance vitale. Il se mit sans tarder à la besogne et s'aperçut bientôt qu'il faudrait des mois, sinon des années, pour déchiffrer cet amas de papier couvert d'écritures étranges et de curieux dessins. Il trouva entre autres de gros paquets de lettres portant le tampon de Prague ou de Racus et manifestement rédigés par Horn ou par Hutchinson. Finalement, dans un petit bureau d'acajou, Willett découvrit les documents de Joseph Kerwin que Charles lui avait laissé entrevoir à contre-cœur plusieurs années auparavant. Il mit tout le paquet dans sa valise, puis il continua d'examiner les dossiers en concentrant son attention sur les documents les plus modernes. Or, ces manuscrits contemporains présentaient une caractéristique bizarre. Très peu d'entre eux avaient été rédigés par Charles Ward, alors que des rames entières de papier étaient couvertes d'une écriture absolument identique à celle de Joseph Kerwin, malgré leur date récente. La seule conclusion possible était que le jeune homme s'était employé, avec un succès prodigieux, à imiter la graphie du vieux sorcier. Par ailleurs, il n'existait pas trace d'une troisième écriture qui eût été celle du docteur Allen. Dans cet amas de notes et de symboles, une formule mystique revenait si souvent que Willett la sut par cœur avant d'avoir terminé ses recherches. Elle se trouvait disposée sur deux colonnes parallèles. Celle de gauche était surmontée du symbole archaïque nommé tête de dragon, utilisé dans les almanachs pour marquer le nœud ascendant de la lune. En haut de celle de droite se trouvait le signe de la queue du dragon ou nœud descendant. Le médecin se rendit compte que la deuxième partie de la formule n'était autre que la première écrite à l'envers à l'exception des monosyllabes de la fin et du mot Yog-Sothoth. O Yang Ngo Yog-Sothoth Ei Lgeb Faithrodog Wa You Oxrodot Aif Gebl Er Yog-Sothoth Ngailai So. Willett fut tellement fasciné par ces deux formules qu'il se surprit bientôt à les répéter à voix basse. Au bout d'un certain temps, il jugea qu'il avait rassemblé assez de documents pour convaincre les alienistes de la nécessité d'une enquête plus systématique. Mais il lui restait encore à trouver le laboratoire caché. En conséquence, laissant sa valise dans la salle éclairée, il s'engagea de nouveau dans le couloir ténébreux et empesté sous la voûte duquel le hideux gémissement continua à se faire entendre. Les quelques pièces où il pénétra étaient pleines de caisses pourries et de cercueils de plomb à l'aspect sinistre. Il pensa aux esclaves et aux marins disparus, aux tombes violées dans toutes les parties du monde, à l'attaque finale de la ferme de Pawtuxet Road. Puis il décida qu'il valait mieux ne plus penser. Soudain, les murs semblèrent disparaître devant lui, tandis que la puanteur et le gémissement devenaient plus forts. Willett s'aperçut alors qu'il était arrivé dans une salle si vaste que la clarté de la lampe n'en atteignait pas l'autre extrémité. Au bout d'un certain temps, il arriva à un cercle d'énormes piliers, au centre desquels se trouvait un autel couvert de sculptures si curieuses qu'il s'approcha pour les examiner. Mais quand il eut vu ce qu'elles étaient, il se rejeta en arrière en frissonnant et ne s'attarda pas à regarder les taches sombres sur le dessus et les côtés de l'autel. Par contre, il trouva le mur du fond qui formait un cercle gigantesque où s'ouvraient quelques entrées de portes, découpées par des centaines de cellules vides, munies de grilles de fer et de chaînes scellées dans la maçonnerie. Cependant, la hideuse puanteur et le gémissement lugubre étaient tellement plus nets dans cette vaste salle souterraine que le médecin fut contraint de leur accorder toute son attention. Ayant projeté la lumière de sa lampe sur le sol, il s'aperçut que, par endroits, à intervalles irréguliers, certaines dalles étaient percées de petits trous. Une longue échelle, négligemment posée sur le sol, semblait complètement imprégnée de l'affreuse odeur qui régnait partout. Soudain, Willett constata que l'odeur et le bruit paraissaient plus forts immédiatement au-dessus des dalles percées de trous, comme s'ils eussent été des trappes donnant accès à de plus grandes profondeurs. Il s'agenouilla près de l'une d'elles et parvint à l'ébranler non sans difficulté. Aussitôt, le gémissement devint plus aigu et il lui fallut rassembler tout son courage pour continuer à soulever la lourde pierre. Une puanteur innommable monta des entrailles de la terre, et le médecin se sentit pris de vertige tandis qu'il dirigeait la clarté de sa lampe vers l'ouverture noire. Si Willett avait espéré découvrir un escalier menant à un gouffre d'abomination suprême, il dut être fort déçu, car il vit seulement la paroi de brique d'un puits cylindrique d'un mètre et demi de diamètre, dépourvu de tout moyen de descente. Pendant que le faisceau lumineux s'abaissait vers le fond du puits, le gémissement se transforma en une série de cris horribles, accompagnés d'un bruit d'escalade vaine et de chutes visqueuses. L'explorateur se mit à trembler, refusant même d'imaginer quelle abominable créature pouvait bien s'embusquer dans cet abîme. Mais un instant plus tard, il rassembla le courage nécessaire pour se pencher par-dessus la margelle grossière, tenant sa lampe à bout de bras. Tout d'abord, il ne put discerner rien d'autre que les parois gluantes et couvertes de mousse. Ensuite, il aperçut une forme noire en train de bondir maladroitement au fond de l'étroit cylindre, à 25 pieds environ au-dessous de lui. La lampe trembla dans sa main, mais il regarda de nouveau pour mieux voir quelle était la créature vivante emmurée dans les ténèbres de sa prison où elle mourait de faim, depuis le départ de Charles Ward un mois auparavant. À n'en pas douter, il devait y en avoir un grand nombre au fond des autres puits recouverts de dalles perforées, où elle n'avait pas la place de s'étendre et où elles avaient dû rester tapies en bondissant faiblement de temps à autre pendant ces 4 semaines abominables. Mais Marinus Bicknell-Willett se repentit d'avoir regardé une deuxième fois, car depuis lors, il n'a plus jamais été le même. Il est difficile d'expliquer comment la seule vue d'un objet tangible aux dimensions mesurables a pu bouleverser à ce point un homme habitué au spectacle macabre des salles de dissection. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que certaines formes ou entités détiennent un pouvoir de suggestion qui fait entrevoir d'innommables réalités au-delà du monde illusoire où nous nous enfermons. De toute évidence, Willett aperçut une entité de ce genre, car pendant quelques instants, il fut frappé d'une démence frénétique. Il lâcha sa lampe et ne prêta pas la moindre attention au grincement des dents qui se refermèrent sur elle au fond du puits. Il se mit à hurler d'une voix suraiguë, méconnaissable, et incapable de se relever, il rampa désespérément sur les dalles humides d'où montaient de faibles cris qui répondaient aux siens. Il déchira ses mains sur les pierres rugueuses et se meurtrit fréquemment la tête contre les piliers, mais il poursuivit sa route. Ensuite, il reprit lentement conscience et se boucha les oreilles pour ne plus entendre le concert de gémissements lugubres qui avait succédé aux cris. Ruisselant de sueur, dépourvu de tout moyen d'éclairage, accablé par le souvenir d'une effroyable vision, il songea avec horreur que des douzaines de ces créatures terrifiantes vivaient encore au-dessous de lui et qu'un des puits était resté ouvert. Par la suite, il refusa toujours de dire exactement ce qu'il avait vu. L'entité prisonnière ressemblait à certaines sculptures de l'autel. De toute évidence, elle n'avait pas été créée par la nature, car il n'était pas fini, et nul ne saurait décrire ses proportions anormales. Selon Willett, elle représentait le type de ces formes que Ward avait suscitées à partir de celles imparfaites. Sur le moment, le médecin se rappela une phrase de la lettre de Simon où Jedediah Horn adressait à Joseph Kerwin. À n'en pas douter, il n'y avait rien que de très abominable dans ce que H a fait sortir en partant de ce qu'il n'avait pu réunir dans sa totalité. Puis il revint en mémoire le souvenir des rumeurs concernant le cadavre calciné trouvé dans les champs une semaine après l'attaque de la ferme de Joseph Kerwin. Charles Ward avait raconté à Willett que selon le vieux Slocum, ce n'était pas un cadavre d'homme et qu'il ne ressemblait à aucun animal connu des habitants de Pawtuxet. Ces mots résonnaient dans sa tête tandis qu'il se balançait de droite à gauche, accroupi sur les dalles de pierre. Il essaya de les chasser en récitant le Notre Père. Puis il se surprit à répéter la double formule qu'il venait de découvrir dans la bibliothèque souterraine. Cela sembla le calmer, et il parvint à se mettre sur pied en chancelant. Déplorant amèrement la perte de sa lampe, il regarda avec attention tout autour de lui dans l'espoir de discerner une faible lueur provenant de la bibliothèque. Au bout d'un certain temps, il crut apercevoir de la lointain une vague clarté et se traîna quatre pattes dans cette direction avec une prudence terrifiée, craignant sans cesse de se cogner contre un pilier ou de tomber dans le puits ouvert. À un moment donné, il toucha la dalle perforée de trous qu'il avait enlevée et une angoisse atroce s'empara de lui. Mais il eut la chance d'éviter l'ouverture béante, d'où aucun bruit ne montait à présent. La créature qui avait tenté de broyer la lampe électrique entre ses dents ne pouvait plus se faire entendre. À plusieurs reprises, au cours de sa lente progression, il vit diminuer la lueur qui lui servait de guide, et il comprit que les lampes et les bougies allumées par ses soins devaient s'éteindre l'une après l'autre. L'idée d'être perdu au cœur des ténèbres de ce labyrinthe cauchemardesque le poussa à se relever et à courir. Car la dernière lumière, une fois disparue, il ne lui resterait plus qu'un seul espoir de survivre, l'arrivée des secours, que pourrait lui envoyer Mr. Ward au bout d'un temps plus ou moins long. Bientôt, il atteignit le couloir et vit que la lueur provenait d'une porte à sa droite. Un instant plus tard, il se retrouvait dans la bibliothèque secrète de Charles Ward et regardait mourir la dernière lampe qui venait d'assurer son salut. Il se hâta de regarnir les lampes éteintes en puisant dans une réserve de pétrole qu'il avait remarquée en arrivant dans la pièce pour la première fois. Puis il chercha autour de lui une lanterne pour continuer son exploration. En effet, malgré sa terrible aventure, il était bien résolu à ne rien négliger dans sa recherche des faits susceptibles d'expliquer la folie de Charles Ward. Faute de lanterne, il choisit la plus petite des lampes. Ensuite, il remplit ses poches de bougies et d'allumettes et se munit d'un bidon de 5 litres d'essence dans le cas où il découvrirait un laboratoire caché au-delà de la terrible salle, au sol percé de puits. Il lui faudrait rassembler tout son courage pour revenir dans ce lieu. Mais fort heureusement, ni l'hôtel ni le puits découvert ne se trouvaient près du mur concave percé de cellules, dont les ténébreuses entrées de portes devaient constituer le but logique de son exploration. Après avoir traversé d'un pas ferme l'immense pièce à l'air empesté, Willett constata que les entrées mystérieuses donnaient accès à des pièces qui devaient servir de réserve. L'une était bourrée de ballots de costumes moisis datant de 150 ans. Une autre contenait différents articles de vêtements modernes, comme si l'on s'était proposé d'équiper progressivement une troupe d'hommes assez nombreuse. Mais ce qui lui déplut particulièrement, ce fut les énormes cuves de cuivre qu'il trouva de temps à autre. Elles lui inspirèrent une horreur encore plus grande que les bols de plomb à la forme bizarre dans lesquels subsistait un dépôt malsain dont l'odeur répugnante l'emportait sur la puanteur générale de la crypte. Quand il eut exploré environ la moitié du mur, il vit un autre couloir semblable à celui d'où il était venu, dans lequel s'ouvraient plusieurs portes. Il s'y engagea aussitôt, et après avoir examiné trois pièces dépourvues d'intérêt, il arriva enfin à une salle oblongue pleine de tables, de réservoirs, de fourneaux, d'instruments modernes, de flacons et de jarres. C'était le laboratoire de Charles Ward et avant lui de Joseph Kerwin. Ayant trouvé trois lampes garnies, le docteur Willett les alluma, puis se mit à examiner le contenu de la pièce avec le plus vif intérêt. Mais tout cet ensemble d'appareils scientifiques, au nombre desquels il y avait une table à dissection, ne lui apprit pas grand-chose, sinon que le jeune Ward avait dû se consacrer plus particulièrement à l'étude de la chimie organique. Parmi les livres se trouvait un exemplaire en lambeaux de Borellus, dans lequel Ward avait souligné le même paragraphe qui avait tellement troublé le respectable Mr. Merritt 150 ans auparavant. Trois portes s'ouvraient sur le laboratoire. Deux d'entre elles donnaient accès à de simples réserves où s'entassaient de nombreux cercueils plus ou moins endommagés. Elles contenaient aussi beaucoup de vêtements et plusieurs bières neuves hermétiquement closes. La troisième porte donnait sur une assez vaste stalle au mur couvert de rayonnages et renfermant en son centre une table où se trouvaient deux lampes. Willett les alluma et vit que presque tous les rayonnages étaient couverts d'étranges urnes de plomb appartenant à deux types différents. L'un très haut et dépourvu d'anse, semblable à un lekythos, une jarre à huile grecque, l'autre muni d'une seule anse, pareil à une jarre de phaléron. Elles étaient toutes munies de bouchons métalliques et couvertes de curieux symboles en bas-relief. Les lekythoi occupaient un côté de la pièce sous un grand écriteau portant le mot « custode ». Les phalérons étaient rangés contre la paroi opposée sous un autre écriteau portant le mot « carton » sur lequel figurait un numéro. Willett en ouvrit quelques-unes au hasard. Toutes contenaient une petite quantité d'une même substance, une poudre fine, très légère, de couleurs diverses, et n'ayant aucun pouvoir adhésif, ainsi que le médecin put s'en rendre compte en en versant un peu dans la paume de sa main. Les deux écriteaux intriguèrent considérablement l'explorateur. Custode, custodes, materia, cela voulait dire en latin « gardien » et « matière ». Soudain, en un éclair, il se rappela où il avait déjà vu le mot « gardien » à propos de ce terrible mystère. C'était dans la lettre récemment adressée au docteur Allen par un correspondant qui avait emprunté l'écriture d'Edward Hutchinson. Point n'était besoin de conserver les gardiens sous leur forme corporelle à ne rien faire. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Mais voyons, il existait encore une autre référence à des gardiens qui avait jusqu'à présent échappé à sa mémoire. À l'époque où Ward lui faisait certaines confidences sur ses travaux, il lui avait parlé du passage du journal d'Eleazar Smith dans lequel celui-ci mentionnait des conversations terribles entre Kerwin, certains de ses prisonniers, et les gardiens de ses prisonniers. Ces gardiens, selon la lettre de Hutchinson ou de son avatar, n'avaient plus rien à faire, si bien que maintenant, Dr. Allen ne les conservait pas sous leur forme corporelle. Donc il fallait bien conclure qu'il leur avait donné la forme de ces selles en lesquelles ce groupe de sorciers réduisait le plus grand nombre possible de corps ou squelettes humains. C'était donc cela que contenaient les lekythoi, le fruit monstrueux d'actes et de rites blasphématoires qui pouvaient être appelés à l'aide au moyen d'une incantation infernale pour défendre le maître ou faire parler ceux qui n'y consentaient pas. Willett frémit à la pensée de ce qu'il avait fait couler dans la paume de sa main. L'espace d'un instant, il se sentit poussé à fuir loin de ces hideux rayonnages chargés de sentinelles muettes et peut-être vigilantes. Puis il songea au jar rangé sous l'écriteau Materia. Quel sel pouvait-elle bien contenir puisque ce n'était pas les sels des gardiens? Grand Dieu, renfermerait-elle donc les reliques mortelles des plus grands penseurs de tous les siècles, arrachés à leur tombeau par ces vampires désireux d'utiliser la somme de leurs connaissances afin d'atteindre un but insensé qui aurait pour résultat d'anéantir, selon les termes de la dernière lettre de Charles, toute la civilisation, toutes les lois naturelles, peut-être même le destin de l'univers entier. À ce moment, malgré son agitation, Willett aperçut une petite porte à l'autre extrémité de la salle et alla examiner le signe grossier creusé au ciseau au-dessus d'elle. Il se sentit aussitôt en proie à une vague terreur, car un de ses amis à l'esprit morbide avait un jour tracé ce symbole sur un morceau de papier en lui expliquant ce qu'il signifiait dans les noirs abîmes du sommeil. C'était le signe de Koth, que certains voient en rêve au-dessus de l'entrée d'une tour noire dressée dans une lumière crépusculaire. Mais un instant plus tard, le médecin oublia les révélations de son ami en décelant dans l'air empesté une nouvelle odeur, chimique et non pas animale, provenant de la pièce au-delà de la porte. L'odeur dont les vêtements de Charles Ward étaient imprégnés le jour où on l'avait conduit à la maison de santé. Willett, fermement résolu à examiner toutes les affreuses merveilles de ce repère souterrain, franchit le seuil sans trembler. La salle, de taille moyenne, contenait simplement une table, une chaise et deux groupes de curieuses machines munies de roues et de courroies, dans lesquelles le médecin reconnut un instrument de torture médiévale. D'un côté de la porte, on voyait une rangée de fouets d'aspect cruel, au-dessus desquels s'alignaient, sur des rayonnages, plusieurs coupes vides en forme de cratères. De l'autre côté se trouvait la table sur laquelle était placé un bloc-notes, un crayon, une forte lampe et de l'équitoil. Willett alluma la lampe et examina le bloc-notes, mais il n'y vit rien que les phrases suivantes tracées, semblait-il, par la main de Joseph Kerwin. B n'est pas mort. S'est échappé à travers les murs et a découvert le lieu d'en dessous. Ai vu le vieux V lire le Sabaoth et a pris la façon de le faire. Ai évoqué trois fois Yog-Sothoth et été délivré le lendemain. F a tenté de faire disparaître tous ceux qui connaissaient le moyen d'évoquer ceux du dehors. À la clarté de la lampe, le médecin vit que la paroi face à la porte entre les deux groupes d'appareils de torture était couverte de patères auxquels se trouvaient accrochés des robes informes d'un blanc jaunâtre. Quant aux deux murs vides, ils présentaient toute une série de formules et de symboles mystiques creusés dans la pierre. Les dalles du sol montraient aussi des marques de dessins tracées au ciseau. Willett discerna au centre un immense pentagramme et un cercle de 3 pieds et demi de diamètre entre ce pentagramme et les coins de la pièce. Dans l'un de ces 4 cercles, non loin d'une robe négligemment jetée, se trouvait une découpe en forme de cratère. En dehors de la périphérie, il y avait une des jarres de Falron portant le numéro 118. Cette dernière était vide, mais la coupe contenait une poudre verdâtre provenant manifestement de la jarre. Willett se sentit défaillir en mettant en corrélation ces différents éléments. Les fouets, les instruments de torture, les selles de la jarre Materia, les deux l'équitoil, les robes, les formules gravées sur les murs, les notes de la main de Joseph Kerwin, les lettres et les légendes, les doutes et les hypothèses qui avaient tourmenté les parents et amis de Charles Ward. Au prix d'un effort considérable, le vieux médecin s'arracha à l'horreur qui le submergeait pour l'examiner les formules. De toute évidence, elles avaient été gravées à l'époque de Joseph Kerwin, et le texte en parut vaguement familier à l'explorateur. Dans l'une d'elles, il reconnut celle que Mrs. Ward avait entendue psalmodier par son fils le vendredi saint de l'année précédente. Terrible invocation au dieu mystérieux résidant à l'extérieur des sphères normales. Elle différait un peu par son orthographe de celle qu'un expert en la matière avait montrée à Willett dans les pages défendues d'Eliphas Lévy. Mais il ne pouvait se tromper sur son identité, ni sur des mots tels que Sabaoth, Métatron, Almanzin et Zargat Namik. Cette inscription se trouvait à gauche en entrant dans la pièce. Sur la paroi de droite, le médecin reconnut en sursautant la double formule qu'il avait vue si souvent dans les notes les plus récentes de la bibliothèque souterraine. Mais ici encore, l'orthographe n'était pas la même, comme si le vieux Kerouen avait noté les sons d'une manière différente. Alors que la phrase apprise par Willett commençait par les mots « Yai Enga Enga » Yog Sothoth, celle-ci se présentait sous la forme Aï Ngenga Yoge Sototha. Cette différence troubla l'esprit de l'explorateur et, comme le texte le plus récent était gravé dans sa mémoire, il se surprit en train de psalmodier la première formule pour faire coïncider le son qu'il concevait avec les lettres gravées sur le mur. La voix résonna, étrange et menaçante, dans cet abîme d'horreur, tandis que les gémissements inhumains continuaient à monter dans l'air empesté de la crypte. « Yengenga, Yog-Sothoth, Yelgeb, Paithrodog-Yoa. » Mais quel était donc ce vent glacé qui venait de souffler au début de l'incantation? Les lampes grésillèrent lamentablement, et l'obscurité devint si dense que les lettres sur le mur disparurent à la vue. Puis monta une épaisse fumée, accompagné d'une odeur âcre semblable à celle qu'il avait déjà sentie. Willett se tourna vers la coupe posée sur le plancher et vit qu'il exhalait un nuage de vapeur verdâtre, d'un volume et d'une opacité surprenants. Cette poudre, grand Dieu, elle provenait d'une déjà remarquée matéria. Qu'allait-elle donc produire? Cette formule qu'il avait psalmodiée, la première des deux, la tête du dragon, nœud ascendant, Seigneur, se pouvait-il? Le médecin vacilla, et dans sa mémoire tourbillonnèrent les fragments de tout ce qu'il avait vu, entendu et lu au sujet de l'affaire Charles Dexter Ward. « Je vous le répète, n'évoquez aucun esprit que vous ne puissiez dominer. Ayez toujours près les mots qui repoussent, et ne vous arrêtez pas pour avoir une certitude quand vous doutez de l'identité de celui que vous avez. » Trois conversations avec ceux qui étaient inhumés. Miséricorde, quelle est cette forme qui apparaît derrière le rideau de fumée? Marinus Bicknell Willett n'a raconté son histoire qu'à ses amis les plus intimes, car il sait bien que les autres se contenteraient d'en rire. Mais Mr. Ward n'ignore pas que le récit du vieux médecin est l'expression d'une horrible vérité. N'a-t-il pas vu lui-même l'ouverture pestilentielle dans la gave du bungalow? Willett ne l'a-t-il pas renvoyé chez lui ce matin-là, à 11 heures, malade et le cœur plein d'angoisse? N'a-t-il pas vainement téléphoné au médecin le soir même et le lendemain matin? Et n'a-t-il pas gagné le bungalow à midi pour trouver son ami évanoui sur un des lits du premier étage? Willett ouvrit les yeux lentement lorsque Mr. Ward lui fait boire un peu de cognac. Ensuite, il frissonna de tout son corps et se mit à hurler. « Cette barbe, ces yeux, Seigneur, qui êtes-vous ? » Parole vraiment étrange, car elle s'adressait à un homme aux yeux bleus, rasé de près, que le médecin connaissait depuis son enfance. Rien ne semblait changer dans le bungalow, sous les rayons d'un soleil éclatant. La lampe de l'explorateur avait disparu, mais sa valise était toujours là, complètement vide. Avant d'offrir la moindre explication, Willett, au prix d'un effort de volonté considérable, gagna la cave en chancelant. Il essaya de faire bouger la petite plateforme devant la chaudière de la buanderie, sans pouvoir y parvenir. Ayant pris un ciseau à froid dans le sac à outils qu'il avait apporté la veille, il souleva les planches les unes après les autres, mais ne trouva aucune ouverture dans la surface lisse de ciment qu'elle recouvrait. Pas de puits pestilentiels, pas de bibliothèque secrète, pas de documents terrifiants, pas de laboratoire, pas de monstres hurlants. Le médecin pâlit et serra le bras de son ami qui était venu le rejoindre. « Hier matin, » demanda-t-il à voix basse, « as-tu vu et senti comme moi ?» Lorsque Mr. Ward eut fait un signe de tête affirmatif, Willett poussa un grand soupir et ajouta « En ce cas, je vais tout te raconter. » Pendant 1 heure, dans la pièce la plus ensoleillée du bungalow, le médecin narra son effroyable aventure à son compagnon stupéfait. Mais il ne put rien dire de ce qui s'était passé après l'apparition de la forme mystérieuse derrière la vapeur verdâtre émanée de la coupe. Quand il eut terminé son récit, il se plongea dans un profond silence et ne répondit pas à la timide question posée par Mr. Ward. « Mais cette forme, où donc est-elle partie? Car c'est elle qui t'a transporté jusqu'ici et a scellé le puits, je ne sais comment. » Au moment où il allait se lever pour quitter la pièce, Les doigts du docteur Willett se refermèrent sur un morceau de papier qui se trouvait dans sa poche avec quelques bougies et allumettes qu'il avait prises dans la crypte. C'était une page arrachée au bloc-notes placé sur la table de l'abominable salle souterraine dont elle avait conservé l'âcre odeur. Elle portait, écrite au crayon, quatre lignes d'une écriture médiévale, indéchiffrable pour les deux hommes, mais contenant pourtant des combinaisons de symboles qui leur semblèrent familiers. Voici le facsimilé de ce message, dont la lecture poussa Willett et Mr. Ward à gagner l'automobile et à se faire conduire à la bibliothèque John Hay. À la bibliothèque, ils trouvèrent de bons manuels de paléographie qu'ils étudièrent jusqu'au soir. À la fin, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Les lettres du manuscrit étaient les minuscules saxonnes du 8e ou 9e siècle avant Jésus-Christ, et elles formaient les mots latins que voici. Corvinus, decandus, est, cadaver, aqua forti dissolvedum, nec aliqui, retinendum, tace ut potes. Ce qui peut se traduire comme suit, il faut tuer Curwen. Le cadavre doit être dissous dans de l'eau forte, et il ne faut rien en conserver. Garde le silence dans la mesure où tu le pourras. » Les deux hommes, complètement déconcertés, s'aperçurent qu'ils étaient incapables d'éprouver la moindre émotion. Ils restèrent là, sans bouger, muets, épuisés de fatigue, jusqu'à ce que la fermeture de la bibliothèque les contraignît à regagner la maison de Prospect Street. Ils parlèrent toute la nuit à bâtons rompus, puis ils allèrent prendre un peu de repos. Le lendemain dimanche, à midi, ils reçurent un message téléphonique des détectives chargés de relever les traces du docteur Allen. Mr. Ward, qui se promenait nerveusement à travers la maison, répondit en personne aux policiers et les pria de venir faire leur rapport le lendemain matin. Lui et Willett se réjouirent de voir que ce côté de l'affaire commençait à prendre forme, car quelle que fût l'origine du message trouvé dans la poche du médecin, le Corwin qu'il fallait tuer ne pouvait être que le mystérieux compagnon de Charles. Celui-ci avait craint cet homme. Il avait recommandé, dans sa dernière lettre au médecin, de le tuer et de le dissoudre dans de l'acide. En outre, Allen avait reçu, sous le nom de Curwen, des lettres de sorciers inconnus résidant en Europe, et il se considérait comme un avatar du nécromant de Salem. Or, voici que maintenant, un nouveau message insistait sur la nécessité de tuer Curwen et de le dissoudre dans de l'eau forte. Par ailleurs, Allen n'avait-il pas l'intention d'assassiner le jeune Ward sur le conseil d'un individu nommé Hutchinson? Il fallait absolument appréhender le mystérieux docteur et le mettre hors d'état de nuire. Dans l'après-midi, espérant contre tout espoir recueillir quelques bribes de renseignements de la bouche du seul être capable de les fournir, les deux hommes allaient rendre visite à Charles dans la maison de santé. D'un ton simple et grave, Willett lui narra toutes ses découvertes, et il vit pâlir le malade à chaque description qui lui était faite. Quand il aborda le sujet des monstres enfermés dans les puits couverts, il s'efforça d'émouvoir son interlocuteur en lui disant d'une voix indignée que ces créatures mouraient de faim. Il en fut pour ses frais, car Charles, ayant cessé de nier l'existence de la crypte, semblait voir une sinistre plaisanterie dans cette affaire. Il fit entendre un ricanement diabolique, puis murmura de sa voix rouée. « Que le diable les emporte. Il est vrai qu'ils mangent, mais ils n'en ont point besoin. » Un mois sans nourriture, dites-vous. Tu Dieu, monsieur, que vous êtes modeste. Ce pauvre Whipple a été bien berné en la circonstance. Il voulait tout tuer par la mort bleue. Et le pauvre sot était tellement accablé par le vacarme venu de l'extérieur qu'il n'a rien vu ni entendu de ce que renfermaient les puits. Il n'a même pas imaginé qu'il pouvait exister. Que la peste vous étouffe. Ces maudites créatures hurlent au fond de leur trou depuis qu'on a tué Curwen, voilà 150 ans. Horrifié, Willett poursuivit son récit dans l'espoir qu'un incident quelconque ferait abandonner à son interlocuteur cette attitude démentielle. En regardant le visage du jeune homme, il fut rempli d'horreur à la vue des changements survenus au cours des derniers mois. Quand il parla de la chambre formulée de la poudre verdâtre, Charles manifesta une certaine animation et déclara d'un ton ironique « Si vous aviez connu les mots nécessaires pour évoquer ce qui se trouvait dans cette coupe, vous ne seriez pas ici en ce moment à me raconter votre histoire. C'était le numéro 118, et vous auriez tremblé de la tête aux pieds si vous aviez consulté ma liste dans la pièce voisine. Moi-même, je n'ai jamais évoqué ce personnage, mais je me proposais de le faire le jour où vous m'avez emmené ici. » Lorsque Willett mentionna la formule qu'il avait prononcée et la fumée verdâtre qui avait monté dans les airs, il vit pour la première fois une crainte réelle se peindre sur le visage de Charles Ward. « Il est venu, et vous êtes encore vivant !» s'exclama le démon d'une voix rauque. Le médecin crut comprendre la situation et répondit en citant un passage d'une lettre qu'il se rappelait. « Vous avez dit le numéro 118 ? Mais n'oubliez pas qu'on a changé toutes les stèles dans 9 cimetières sur 10. Vous n'êtes sûr de rien tant que vous n'avez pas interrogé. » Puis, sans autre avertissement, il plaça le message en minuscule saxonne devant les yeux de Charles Ward, qui aussitôt s'évanouit. Cet entretien avait eu lieu dans le plus grand secret pour éviter que les aliénistes n'accusent les deux hommes d'encourager le malade dans sa folie. Mr. Ward et Willett étendirent Charles sur sa couchette. En revenant à lui, il marmonna plusieurs reprises qu'il devait faire parvenir immédiatement un message à Horn et à Hutchinson. Aussi, dès qu'il eut pleinement repris conscience, le médecin lui dit qu'un de ces étranges individus, au moins, était son ennemi mortel et avait conseillé au docteur Allen de l'assassiner. Cette révélation ne produisit aucun effet visible, et le malade déclara qu'il ne voulait pas pousser la conversation plus loin. Au moment de partir, Willett mit de nouveau le jeune homme en garde contre le docteur Allen, mais Charles répondit, avec un ricanement hideux, que cet individu se trouvait hors d'état de nuire à quiconque. Il convient de signaler qu'il y eut une suite heureuse à l'affaire Horn et Hutchinson, si du moins telle était la véritable identité des sorciers exilés en Europe. Willett se mit en relation avec une agence internationale de coupure de presse et demanda qu'on lui fît parvenir les articles concernant les crimes et les accidents les plus notoires à Prague et dans la Transylvanie orientale. Au bout de 6 mois, il estima pouvoir retenir 2 faits significatifs. En premier lieu, une maison du plus ancien quartier de Prague avait été complètement détruite au cours d'une nuit, et le vieux Joseph Nadet, qui habitait seul depuis une époque très reculée, avait mystérieusement disparu. D'autre part, dans les montagnes à l'est de Rakus, une formidable explosion avait anéanti, avec tous ses habitants, le château Ferenczi, dont le maître jouissait d'une si mauvaise réputation auprès des paysans et des soldats qu'il eût été sous peu mandé à Bucarest pour y subir un sérieux interrogatoire si cet incident n'avait mis fin à une carrière déjà anormalement longue. Willett soutient que la main qui traça le message en lettres minuscules était capable d'utiliser des armes plus terribles, tout en laissant au médecin le soin de s'occuper de Kerwin, l'auteur de ces lignes, s'étant senti à même de retrouver et d'annihiler Horn et Hutchinson. Le lendemain matin, le docteur Willett se rendit en hâte chez Mr. Ward pour être présent au moment de l'arrivée des détectives. Les deux amis s'installèrent au rez-de-chaussée car les étages supérieurs étaient imprégnés d'une odeur nauséabonde qui, selon les vieux domestiques, constituait une malédiction laissée par le portrait disparu de Joseph Kerwin. À 9 heures, les 3 policiers se présentèrent et firent immédiatement leur rapport. Ils n'avaient pas réussi à retrouver le docteur Allen, mais ils étaient parvenus à rassembler un certain nombre de faits significatifs à son sujet. Entre autres choses, ils avaient découvert dans une pièce du bungalow une fausse barbe et 2 grosses lunettes noires prouvant que le mystérieux compagnon de Charles s'était montré sous un déguisement. Par ailleurs, un commerçant de Pawtuxet avait vu un spécimen de son écriture qui lui avait semblé fort étrange, presque illisible. La plupart des habitants du village tenaient le docteur Allen pour responsable des profanations de tombes commises au cours de l'été précédent. Les enquêteurs qui avaient visité le bungalow après l'incident du camion dévalisé s'accordaient pour reconnaître qu'Allen parlait et agissait en maître. Sa barbe ne paraissait pas naturelle, et il avait une petite cicatrice au-dessus de l'œil droit. Quant à la fouille de sa chambre, elle n'avait rien donné de précis, sauf la barbe, les lunettes et plusieurs notes au crayon dont Willett identifia immédiatement l'écriture avec celle des manuscrits de Joseph Kerwin et des papiers récemment rédigés par le jeune Ward. Le médecin et son ami se sentirent en proie à une terreur cosmique, à mesure que tous ces faits leur étaient révélés et qu'une pensée démentielle s'insinuait dans leur esprit. La fausse barbe, les lunettes, l'écriture étrange de Kerwin, l'antique portrait avec sa petite cicatrice que l'on retrouvait sur le front du malade enfermé dans la maison de santé, cette voix, entendue par Mr. Ward au téléphone, cette voix enrouée absolument semblable à celle de son fils. Qui avait jamais vu Charles et Allen en même temps après la visite des enquêteurs au sujet de l'affaire du camion? N'était-ce pas à la suite du départ d'Allen que Charles avait perdu brusquement sa terreur panique et s'était installé au bungalow? Corwin, Allen, Ward. Quelle abominable fusion entre deux siècles et deux personnes. Pourquoi le portrait de Corwin ressemblait-il tellement à Charles? Pourquoi Charles et Allen copiaient-ils l'écriture de Joseph Corwin? Puis il y avait encore l'horrible besogne de ces gens, la crypte abominable, les monstres affamés dans leur prison, la redoutable formule, le message en caractères minuscules, les documents, les lettres, la profanation des tombes. Quelle conclusion fallait-il tirer de tout cela? Finalement, Mr. Ward prit la seule décision raisonnable. Il dessina à l'encre, sur une photographie de son fils, une barbe et une paire de lunettes. Ensuite, il confia cette image au détective en leur demandant d'aller la montrer à ceux des commerçants de Pawtuxet qui avaient vu le mystérieux docteur Allen. Où il et son ami attendirent pendant 2 heures dans la maison à l'atmosphère empoisonnée. Puis les détectives revinrent. Oui, la photographie transformée était une image assez fidèle du docteur Allen. Mr. Ward blêmit et Willett s'épongea le front. Allen, Ward, Kerwin, cette affaire devenait vraiment par trop hideuse. Quel démon le jeune homme avait-il fait surgir du vide? Que s'était-il passé du début à la fin? Qui était cet Allen qui se proposait de tuer Charles et pourquoi ce dernier, dans le post-scriptum de sa lettre à Willett, avait-il dit que son mystérieux compagnon devait être dissous dans de l'acide? D'autre part, pourquoi le message en lettres minuscules recommandait-il de détruire Kerwin par le même moyen? Quelle métamorphose s'était donc produite dans la personne de Charles et à quel moment? Le jour où Willett avait reçu sa dernière lettre, le jeune homme s'était montré inquiet toute la matinée. Puis son attitude avait brusquement changé. Il était sorti de la maison à l'insu de tout le monde, pour entrer ensuite d'un air fanfaron en passant devant les policiers chargés de veiller sur lui. Néanmoins, il avait poussé un cri de terreur en pénétrant dans sa salle de travail. Qu'y avait-il donc trouvé, ou plutôt, qu'est-ce qu'il avait trouvé lui? Ce simulacre qu'on avait vu rentrer sans qu'on l'eût vu sortir, n'était-ce pas une ombre démoniaque imposant sa présence à quelqu'un qui n'avait pas du tout quitté la pièce? Le maître d'hôtel n'avait-il pas mentionné des bruits étranges? Willett sonna le domestique et lui posa quelques questions à voix basse. L'homme déclara qu'il avait dû se passer une vilaine affaire. Il avait entendu un cri, un soupir, un son étranglé, un bruit de chute lourde. Mr. Charles n'était plus le même quand il était sorti à grands pas, sans dire un mot. Le maître d'hôtel frissonnait tout en parlant. L'atmosphère de la maison semblait imprégnée d'horreur. Les détectives eux-mêmes se sentaient mal à l'aise. Le docteur Willett roulait dans sa tête de terribles pensées et murmurait parfois des paroles inintelligibles. Finalement, Mr. Ward déclara que l'entretien était terminé. Les policiers et le domestique se retirèrent. Les deux hommes restèrent seuls dans la pièce. Bien qu'il fût midi, des ombres semblables à celles du crépuscule recouvraient la maison. Le docteur Willett commença à parler sérieusement à son hôte et le pria de lui confier le soin des recherches qui restaient à entreprendre. Certaines choses pouvaient être mieux supportées par un ami que par un père. En tant que médecin de la famille, il devait avoir les mains libres, et avant toute chose, il demandait qu'on le laissât seul dans l'ancienne bibliothèque de Charles, aussi longtemps qu'il le jugerait utile. Mr. Ward, écrasé par le flot d'horribles suggestions qui se déversaient sur lui de tous côtés, accéda à cette requête. Une demi-heure plus tard, le médecin était enfermé dans la pièce maudite contenant les panneaux de boiserie de la maison d'Olney Court. Le père de Charles, qui écoutait à la porte, entendit d'abord un grand remue-ménage. Puis il eut un fort craquement, comme si l'on ouvrait par la force une armoire hermétiquement close. Ensuite vint un cri étouffé, et ceux que l'on avait ouverts furent refermés violemment. Une seconde plus tard, la clé grinça dans la serrure. Willett, Agar et Blême parut sur le seuil et demanda qu'on lui fournît du bois de chauffage. N'osant pas lui poser de questions, Mr. Ward donna des ordres à un domestique qui apporta de grosses bûches de pain et les déposa dans l'âtre. Cependant, Willett était monté jusqu'au laboratoire, d'où il revint transportant divers objets dans un panier couvert. Puis le médecin s'enferma de nouveau dans la bibliothèque et bientôt des nuages de fumée passèrent devant les fenêtres. Un peu plus tard, on entendit pour la seconde fois un étrange craquement, suivi par le bruit mat d'une chute lourde. Ensuite, Willett poussa deux cris étouffés. Finalement, la fumée rabattue par le vent devint particulièrement âcre et sombre. Mais Stoward et les domestiques furent incommodés par l'odeur qu'elle répandait. Après un siècle d'attente, les vapeurs devinrent plus légères, et on entendit dans la bibliothèque le bruit de diverses opérations de nettoyage. Enfin, Willett sortit de la pièce, ses traits décomposés empreints d'une tristesse infinie, portant le panier couvert qu'il était allé prendre dans le laboratoire. Il avait laissé la fenêtre ouverte, et dans la pièce funeste, entrait à flot un air pur qui se mêlait à une étrange odeur de désinfectant. La vieille boiserie au-dessus de la cheminée semblait maintenant dépourvue de tout pouvoir maléfique, comme si le portrait de Joseph Curwen n'y avait jamais été peint. La nuit tombait, mais elle n'apportait aucun sentiment de crainte. Le médecin refusa de dire ce qu'il avait fait, et se contenta de déclarer à Mr. Ward « Je ne peux répondre à aucune question. Sache seulement qu'il y a différentes espèces de magie. J'ai opéré une grande lustration. Les habitants de cette maison dormiront mieux à l'avenir. » La lustration du docteur Willett avait été une ordalie aussi terrible que son aventure dans la crypte. Une fois rentré chez lui, il dut garder la chambre pendant 3 jours. Pourtant, les domestiques murmurèrent par la suite qu'ils l'avaient entendu sortir sans bruit de la pièce, le mercredi après minuit. Fort heureusement, ils ne songèrent pas à rapprocher ce fait de l'article suivant qui parut le jeudi dans l'Evening Bulletin. Nouvel acte de vandalisme. 10 mois après la profanation de la tombe d'Ezra Whedon dans le cimetière du Nord, un rôdeur nocturne a été aperçu à 2 heures du matin, dans le même cimetière, par le veilleur Robert Hart. Ayant entrouvert par hasard la porte de sa loge, Hart vit à quelque distance la silhouette d'un homme porteur d'une lampe électrique et d'une truelle. Il se précipita aussitôt dans sa direction, mais l'intrus se sauva et parvint à gagner la rue où il se perdit dans l'obscurité. Comme les vampires de l'année précédente, ce rôdeur avait fait des dégâts insignifiants. Une petite partie vide de la concession de la famille Ward avait été creusée très superficiellement, sans qu'aucune tombe eût été violée. Hart, qui ne peut décrire le rôdeur que comme un petit homme barbu, croit que les 3 incidents dont le cimetière a été le théâtre ont une source commune. Mais la police ne partage pas cette opinion, en raison du caractère brutal du second d'entre eux. On se rappelle qu'un cercueil avait été enlevé et une stèle brisée en morceaux. On attribuait la responsabilité du premier de ces actes de vandalisme qui s'est produit l'année dernière au mois de mars à des contrebandiers en alcool désireux d'enfuir des denrées volées. L'inspecteur Riley estime que cette 3e affaire est du même genre. La police prend des mesures extraordinaires pour arrêter la bande de mécréants coupables de ces profanations. Willett se reposa pendant toute la journée du jeudi. Au cours de la soirée, il écrivit à Mr. Ward une lettre qui plongea le père de Charles dans un abîme de méditation et lui apporta une certaine sérénité, bien qu'elle lui promît beaucoup de tristesse. En voici la teneur. 10 Barnes Street, Providence, RI, 12 avril 1928. Mon cher Théodore, j'éprouve le besoin de t'écrire ces lignes avant de faire ce que je me propose de faire dès demain. L'acte que je vais accomplir mettra fin à la terrible aventure que nous venons de vivre, mais je crains qu'il ne t'apporte point la paix de l'esprit si je ne te donne pas l'assurance formelle qu'il sera décisif. Tu me connais depuis ton enfance. C'est pourquoi j'espère que tu me croiras lorsque je te dirai qu'il vaut mieux laisser dans l'ombre certaines choses. Ne te livre plus à aucune hypothèse sur le cas de ton fils et surtout ne dis rien à sa mère en dehors de ce qu'elle soupçonne déjà. Demain, quand j'irai te rendre visite, Charles se sera enfui de la maison de santé. C'est tout ce qui doit rester dans ton esprit. Il était fou, il s'est enfui. Je te conseille d'aller rejoindre sa mère à Atlantic City et de te reposer auprès d'elle. Moi-même, je vais partir pour le sud afin de retrouver du calme et des forces. Donc, ne me pose pas de questions quand tu recevras ma visite. Je suis certain de réussir dans mon entreprise et je puis t'affirmer que tu n'auras plus aucun motif d'inquiétude, car Charles sera en parfaite sécurité. D'ailleurs, il l'est déjà, et beaucoup plus que tu ne saurais l'imaginer. Ne crains plus rien au sujet d'Alan. Il appartient au passé autant que le portrait de Joseph Curwen. Enfin, sache que l'auteur du message en lettres minuscules ne tourmentera jamais ni toi-même ni aucun des tiens. Mais tu dois t'endurcir contre la tristesse et préparer ta femme à en faire autant. Je ne puis te cacher que l'évasion de Charles ne signifiera pas qu'il te sera rendu. Il a été frappé d'un mal étrange, comme en témoignent ses métamorphoses physiques et morales, et tu ne le reverras jamais. Que ceci te soit une consolation. Il n'a jamais été un monstre, ni même un fou. Mais son amour de l'étude et des mystères de jadis ont causé sa perte. Il a découvert des choses que nul mortel ne devra connaître. Il est remonté trop loin dans le passé, et le passé a fini par l'engloutir. Et voici maintenant le point sur lequel je dois demander de me faire plus particulièrement confiance. Car en vérité, il n'y aura pas la moindre incertitude sur le sort de Charles. D'ici un an, ton fils ne sera plus de ce monde. Tu pourras ériger une stèle dans ta concession du cimetière du Nord, à 10 pieds à l'ouest de la tombe de ton père, et elle marquera exactement le lieu de repos de Charles. Et tu n'as pas besoin de craindre qu'il y ait un monstre sous la terre à cet endroit. Les cendres enfermées dans cette tombe sont celles de ta chair et de tes os, celles du vrai Charles Dexter Ward, qui portait un signe de naissance en forme d'olive sur la hanche, celles de ce Charles qui n'a jamais rien fait de mal, et qui a payé de sa vie ses scrupules trop justifiés. C'est tout ce que j'avais à te dire. Ne me pousse pas de questions demain, et sois bien persuadé que l'honneur de ta famille demeure sans tache comme par le passé. Sois courageux et calme, et crois à ma très fidèle et très profonde amitié. Marinus B. Willett. Le matin du vendredi 13 avril 1928, Willett alla rendre visite à Charles Dexter Ward dans sa chambre de la maison de santé du Dr. Waite. Le jeune homme, d'humeur morose, parut peu enclin à entamer la conversation que son visiteur désirait avoir avec lui. L'aventure du médecin dans la crypte infernale avait naturellement créé une nouvelle cause d'embarras, si bien que les deux hommes observèrent un silence oppressant après avoir échangé quelques banalités. La gêne s'accrut lorsque Ward sembla deviner que, depuis sa dernière visite, le paisible praticien avait fait place à un implacable vengeur. Il blêmit, et Willett fut le premier à parler. « Je dois vous avertir que nous avons fait de nouvelles découvertes et qu'il va falloir procéder à un règlement de compte. Vous avez découvert d'autres petites bêtes affamées ?» répliqua le jeune homme d'un ton ironique. « Non, mais nous avons trouvé dans le bungalow la fausse barbe et les lunettes du docteur Allen. Voilà qui est parfait. J'espère qu'elles se sont révélées plus saillantes que la barbe et les lunettes que vous portez en ce moment. En vérité, elles vous sieraient très bien, comme elles semblent l'avoir fait ces temps derniers. » Tandis que Willett prononçait ces mots, il eut l'impression qu'un nuage passait devant le soleil, bien que les ombres sur le plancher ne fussent en rien modifiées. Et en quoi exige-t-il un règlement de compte? Un homme n'a-t-il pas le droit d'emprunter une seconde personnalité s'il le juge utile? Vous vous trompez à nouveau, répondit le médecin d'un ton grave. Peu m'importe qu'un homme se présente sous deux aspects différents, à condition qu'il ait le droit d'exister et qu'il ne détruise pas celui qui l'a fait surgir de l'espace. Ward sursauta violemment avant de demander « Eh bien, monsieur, qu'avez-vous découvert et que me voulez-vous ? » Willett attendit quelques instants avant de parler, comme s'il cherchait ses mots. « J'ai découvert quelque chose dans une armoire derrière un panneau de boiserie sur lequel se trouvait jadis un portrait. J'ai brûlé ma trouvaille et j'ensevelis les cendres à l'endroit où doit se trouver la tombe de Charles Dexter Ward. » Le fou bondit hors de son fauteuil en poussant un cri étranglé. « Que le diable vous emporte ! À qui l'avez-vous dit ? Et qui donc croira que c'était lui après deux bons mois alors que je suis vivant ? Qu'avez-vous l'intention de faire ?» Willett revêtit une sorte de majesté suprême, tandis qu'il calmait le malade d'un geste de la main. « Je n'ai rien dit à personne. Cette affaire est une abomination issue des abîmes du temps et de l'espace, qui échappe à la compétence de la police, des tribunaux et des médecins. Dieu merci, j'ai gardé suffisamment d'imagination pour ne pas m'égarer en l'étudiant. Vous ne pouvez pas m'abuser, Joseph Kerwin, car je sais que votre maudite magie n'est que trop vraie. Je sais comment vous avez trouvé le charme qui est resté en suspens en dehors des années avant de se fixer sur votre descendant et votre double. Je sais comment vous avez amené ce dernier à vous tirer de votre tombe détestable. Je sais qu'il vous a caché dans son laboratoire, que vous vous êtes adonné à l'étude des temps présents, que vous avez erré la nuit comme un vampire et que vous avez emprunté plus tard un déguisement pour éviter qu'on ne remarque votre ressemblance extraordinaire avec lui. Je sais enfin ce que vous avez décidé de faire quand il a refusé d'adhérer à votre projet de conquête du monde entier. Vous avez ôté votre barbe et vos lunettes pour abuser les policiers qui montaient la garde autour de la maison. Ils ont cru que c'était lui qui entrait. Ils ont cru également que c'était lui qui sortait, après que vous l'ayez eu étranglé et caché dans l'armoire. Mais vous n'aviez pas compté sur les contacts différents de deux esprits. Vous avez été stupide, Kerwin, d'imaginer qu'une simple identité visuelle suffirait. Pourquoi n'avez-vous pensé ni au langage, ni à la voix, ni à l'écriture? Voyez-vous, votre projet a échoué. Vous savez mieux que moi qui a écrit ce message en lettres minuscules. Je vous avertis solennellement qu'il n'a pas été écrit en vain. Certaines abominations doivent être détruites, et je suis persuadé que l'auteur du message s'occupa d'Orne et de Hutchinson. L'un de ces deux hommes vous a écrit jadis « N'évoquez aucun esprit que vous ne puissiez deviner. » Vous avez déjà échoué une fois. Il se peut que votre maudite magie soit une fois de plus la cause de votre perte. À ce moment, le médecin fut interrompu par un cri de la créature à laquelle il s'adressait. Réduit aux abois, sans armes, sachant bien que toute manifestation de violence physique ferait accourir plusieurs infirmiers au secours de son visiteur, Joseph Kerwin eut recours à son ancien allié. Tout en faisant des mouvements cabalistiques avec ses deux index, il psalmodia d'une voix profonde où ne restait plus trace du moindre enrouement, les premiers mots d'une terrible formule « Père Adonai Elohim, Adonai Jéhovah, Adonai Sabaoth, Metatron ». Mais la réplique de Willett fut prompte. Au moment même où les chiens commençaient à aboyer, où un vent glacial se mettait à souffler de la baie, le vieux médecin récita, comme il en avait eu l'intention depuis son arrivée, la seconde partie de cette formule, dont la première avait fait surgir l'auteur du message en minuscule, l'invocation placée sous le signe de la queue du dragon, emblème du nœud descendant. Ogthrodaif, Geble, Yogg-Sothoth, Ngaia-Yostro. Dès le premier mot, Joseph Kerwin cessa de parler comme si sa langue eût été paralysée. Presque aussitôt, il fut incapable de faire un geste. Enfin, lorsque le terrible vocable « Yogg-Sothoth » fut prononcé, une hideuse métamorphose eut lieu. Ce ne fut pas une simple dissolution, mais plutôt une transformation ou une récapitulation. Et Willett ferma les yeux de peur de s'évanouir avant d'avoir fini de prononcer la formule redoutable. Quand il rouvrit les paupières, il sut que l'affaire Charles Dexter Ward était terminée. Le monstre issu du passé ne reviendrait plus troubler le monde. Tel son portrait maudit, un an auparavant, Joseph Kerwin gisait sur le sol, sous la forme d'une mince couche de fine poussière d'un gris bleuâtre. Ainsi s'achève l'affaire Charles Dexter Ward par Howard Phillips Lovecraft.